toute façon, je ne sais pas si on va continuer le débat, là, il est 7h05. Je pense que ce que nous avons appris ce soir, ce que nous avions appris un peu auparavant par Internet, c'est que la voie des recours qui a été lancée par les collectifs et les syndicats ne s'est pas fermée. Et que donc c'est un point d'appui pour nos organisations, pour continuer le travail de résistance à ces prétendues réformes et la mobilisation de notre milieu. Il n'en reste pas moins, si vous voulez, que pour ma part, je garde certaines nostalgies d'un temps où il y avait une unité syndicale qui était peut-être minimale, mais qui existait. Et je crois quand même, hein, il faut le dire, que nous aurons beaucoup de mal à donc mettre à bas cet ensemble de réformes abominables, hein, mortifères, si au sein même des personnels et au sein même des alternatives possibles au gouvernement actuel, nous avons un cœur battant et actif de partisans, précisément, de ce qui nous semble, je répète le mot, à nous aussi abominable. Alors maintenant, la lutte continue, et le séminaire continue, mais en revanche, il va s'interrompre, puisqu'il est 7h05, et qu'apparemment, nous avons des successeurs qui attendent l'amphi. Je vous remercie de votre participation. Je me félicite que ce séminaire ait eu lieu pendant une année et j'exprime le souhait qu'il soit un point d'appui modeste mais réel pour les luttes et les actions de l'an prochain et des années qui viennent.